بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. طيب، مراجعة خفيفة إن شاء الله. أسماء الإشارة للقريب عاقل. يا عبد الله صم جالي نصل مراجعة. بسم الله. أسماء الإشارة القريب العاقل. هذا كان نصل. هذا الرجل، هذا رجل. السلام عليكم. هذا مفرد، والمؤنث هذه بنت، هذه بنت، والجمع هؤلاء. هؤلاء كم؟ الاثنين. عندنا ذكر هؤلاء والأولاد، هؤلاء بنات. هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات. طيب، لأسماء الإشارة للبعيد عقل. تلك الرجل خرج من المسجد. تلك الرجل تلك امرأة خرجت من المسجد. تلك امرأة. أو ذلك الطلاب، ذلك الطلاب. ذلك الطالب، ذلك الطالب، ذلك الطالب يقرأ القرآن. ذلك طالب. والجمع أولئك الرجال جلوسا. أولئك الرجال جلوسا. إلى المؤنث أولئك البنات. طيب، أولئك بنات. عندك أيمان أسماء الإشارة للقريب غير عقل. مفرد مذكر انجغى. نعم، هذا بيت. والجمع tu fais un signe ishara vers une chose qui ne résonne pas, c'est un pluriel. Oulaika et toi? Hadi, hadi buyutun, hadi kilabun, hadi kutubun, ghir aql. طيب، بارك الله فيك. C'était ghir aql. Alors on dit هذا بيت، هذه بيوت، هذه سيارة، هذه سيارات. طيب، أسماء الإشارة للبعيد غير عقل. بعيد. نعم. Tu fais un signe vers une maison. بعيد tu diras. نعم، مفرد. Une maison. نعم، بعيد. مفرد، c'est-à-dire quoi مفرد؟ ها؟ singulier. أولئك بيتنا. ça se dit ça؟ ذلك. ذلك faut viser les frères. ذلك بيت. si c'est un pluriel. تلك. تلك بيوت. سي سي مفرد مؤنث. تلك سيارات. سي سي ان جمع. سي ان بلوريال فيمينا. تلك سيارات. نعم، تلك سيارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، لو تابلو كومبيان بخوندر؟ ونادي سيتي اون غايك جينيرال و سي سرا توجور اوبليجي كسا سوا كوم سا؟ نو سي اون غايك جينيرال. ونادي كوا؟ سي اون في ان سين فيغ ان بلوريال مفهوم غير عقل، on utilisera quoi le plus souvent? Hadihi. Mais sinon, il n'y a pas de mal d'utiliser un pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika. Mufhum? Kullu ulaika kan anhu mas'oula. Tout le monde a compris ça? De toute façon, on n'a pas dit c'est une règle qu'il faut appliquer. Mais sinon, hadha wal as. Taïb, inshallah, vous avez compris ça? On utilise hadihi. Taïb? On avait lu le texte, de la leçon 17. Non ? Taïb. Vous n'avez pas lu ? Je n'ai pas dit la leçon, le texte. Taïb, bismillah, alors on lit. Ad-dars as-sabi'a ashar. Alors même tout le monde l'a compris ce tableau, Inch'Allah. Hein ? بسم الله اقرا ابواب المسجد مفتوحه لي زيتو لي فرا ابواب المسجد مفتوحه المسجد مفتوحه البرجوا كما سيفون لمن هذه البيوت الجدد لمن هذه البيوت الجديده الجديده نعم لمن هذه البيوت الجديده هي لمدير الشركة نعم لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة سيفون النجوم جميلة نعم هذه الدروس سهلة نعم هذه الدروس سهلة سيفون في الهندي لغات نعم في الهندي لغات كثيرة نعم وسبب أين الكتب الجديدة هي في المكتبة نعم أين الكتب الجديدة هي في المكتبة وسبب تلك السرور مكسورة السرور ما معنى السرور سيارة أتكوى جماعة نفس الجماعة سرور السرور الجمع دي سرير نعم سي جو كوريج لي فراس سي با سا سرور نعم سي البلوريال دو سرير مي الفخار الى لي سرور ما معنى سرور اي نعم كيكوني نعم سريع هذا عندك رجل سرور معنى ريجوي هذا هاك هذا كونتون pour ça c'est important de bien apprendre les mots dès maintenant. Vous avez compris? Juste le fait d'avoir fait rentrer une lettre, ça a changé le sens. Le surur. Hein? Le surur. J'ai pas compris. Le surur. Le surur, non. Suivant. As-sa'atu al-yaban. Al-yabaniyatu. Al-yabaniyatu. Rakhisatu. Non. Hadihi humuru. Humuru. Hadihi al-humuru. Hadihi al-humuru. Faites attention les frères, ne mettez pas des nouvelles lettres. Humour, là. Humour. Non. L'il-fallahi. Non. Et il y a kutubu kunna, il y a akhawat, il y a fil fasli. Très bien. Hazihi kutubi wa tilka kutubu akhi. نعم هذه كتبي وتلك كتب أختي. أختي. نعم شو بقى؟ هذه مكتبي الطلاب. رياض بيا. هذه المكتبي. aujourd'hui c'est. هذه مكاتب. هذه مكاتب الطلاب. نعم هذه مكاتب الطلاب شو بقى؟ في هذا الشارع فنادق كبيرة. نعم في هذا الشارع فنادق كبيرة هنا. كبيرة. طيب. y a des mots qui sont pas compris؟ Hein, c'est bon? Sharika, c'est l'entreprise. Non. Entreprise, usine. Non. Allez, bismillah, les frères. L'exercice, comme ça, là. L'exercice d'aujourd'hui, ça parle par rapport à quoi? Barakallahu fikoum. Regardez bien, si vous avez fait attention par rapport à la dernière leçon qu'on avait faite, Allah ybarak fikoum, on avait dit quoi? Si tu fais un ismishara vers une chose qui est ghair aql, pluriel, tu utilisais quoi? Hadi. Taïb, tout le monde a compris ça. Taïb. Al-an, idha arata an tukhbira aw an tusifa bimada. C'est-à-dire d'une chose, c'est-à-dire si tu veux informer ou tu veux décrire une chose qui est ghair aql, pluriel, vous avez tous compris là ce que je dis. Hein? Tu vas utiliser quoi? Un khabar mufrad muannath ou un sifa mufrad muannath. Mithal, taqul, hadi durusun, tu diras quoi? Mufidatun. Tout le monde a compris? Huna mufidatun sifa. On l'a vu. Sifa c'était comme le na'at. T'as ou sinon tu peux dire quoi? Hadi durus mufidatun. Il sera ici khabar. T'as je répète. Comment? Là, j'ai pas dit c'est moins net. J'ai dit si tu veux informer sur une chose qui est plurielle, qui ne résonne pas. Est-ce que tu as fait le « ghir aql » ? Tu as fait ce dars ?« Ghir aql, aql » Voilà. Voilà, c'est pour ça, tu vois. Ça demande comme ça, tu verras pourquoi j'ai dit ça. Regardez bien. Prenez la phrase numéro 4. Regardez bien, Allah ibarik fikoum. La phrase 4 de la leçon, là. Tout le monde y est ? La phrase 4 du texte. Avant que je commence, tout le monde y est, Inch'Allah ? Regardez. هذه الدروس سهلة. Tout le monde, hein? On a dit سهلة ou سهلون؟ سهلة. À la base, دار c'est quoi? Mufa, c'est مذكر ou مؤنث؟ مذكر. C'est quoi le singulier de دروس؟ درس. On dit هذه درس ou هذا درس؟ هذا درس. Tout le monde a compris? طيب دروس c'est quoi دروس؟ C'est le جمع. Et le درس يعقل ou غير يعقل؟ غير يعقل. C'est une acte, une leçon, un mur. Vous avez compris? Maintenant, hadihi ici c'est quoi? C'est mubtada. Wa dars wa durus c'est badal. Ça vous le verrez plus tard, inshallah. Taïb. Là tu veux quoi? Tu veux nous informer sur quoi? Sur ces durus. Pourquoi tu regardes? Concentrez-vous les frères. Après vous pouvez me dire ouais, vous avez pas compris. Taïb. Hadi durus c'est quoi ici? C'est barakallahu fikoum, c'est un pluriel ghir aql. Il nous faut un khabar. Car on avait dit quoi? Tout mubtada, il lui fallait quoi? Un khabar. Taïb. Alors on a dit sahlatun. On n'a pas dit sahlun. Taïb, inshallah. C'est compris ça? Et je vous donne un deuxième exemple. Vous mettez quoi par exemple? Hadi dorosun. Vous mettez dorosan alif walam. Taïb. La même chose. Tu diras quoi par exemple? Hadi dorosun sahlatun. Ou mufidatun. Ça veut dire sahlatun ici sera quoi? Sifa. Ça veut dire quoi? Tu l'as décrit. Ce sera un adjectif, un épithète. Taïb. Alors on répète. Si tu veux informer ou tu veux décrire, c'est-à-dire le pluriel de qui ne résonne pas, tu vas utiliser quoi? Une description, une information singulier, féminin. Qui a pas compris? Je répète une dernière fois. T'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Pour voir que je vois ce que j'explique. Ouais. Et bah rien. Ça. Rien. Depuis tout à l'heure. Non, si. Depuis tout à l'heure, j'ai compris. Dis-moi ce que tu as compris. Donc j'ai compris que le Sahlatun était Mubtada. J'ai pas dit ça, c'est Mubtada. Que Hadihi il était Mubtada. Oui. Que pour faire une phrase, il fallait un khabar qui était Sahlatun. Oui, non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu as retenu toi depuis tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça. Je répète, Inch'Allah, une dernière fois. J'ai dit quoi, Barakallahu fikoum? J'ai dit, celui qui, pour, si tu informes sur une chose plurielle, vous avez compris, غير عقل. T'as compris ça déjà? Pluriel, غير عقل. Avant que je commence, qui n'a pas compris ce terme? Pluriel, غير عقل. T'as compris ça, Abdallah? Oui. Wahbi. Tout le monde a compris? C'est quoi pluriel, غير عقل, Kamel? Donc c'est pour une chose qui est non douée de raison. Qui quoi? Qui est non douée de raison. Ouais. Et qui est pluriel. Au pluriel. Taïb. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si tu veux informer sur cette chose-là, ou tu veux la décrire, tu vas utiliser quoi? Non, nous on parle d'après, ce qui vient après. Laisse Hadi, Allah ybarik fik. Hadi, c'était mercredi. Le dars de Hadi, c'était quand? Mercredi. Nous on parle de Sahlatun. C'est ça le problème là. Nous on parle de Sahlatun. On t'a dit, si tu veux informer, Hadi, ça informe pas. Quand tu dis Hadi, tu as informé? C'est quoi Hadi? Ismi Shara. Hadi, il est Mubtada. Hadi, lui, il a besoin de quoi? D'une information. Je viens vers toi, je te dis Hadi. C'est bon ça? Qu'est-ce qu'il te faut? Un khabar. Toi, tu étais resté sur Hadi. On ne parle pas de Hadi. On t'a dit quoi? On t'a dit, si tu veux informer ou décrire une chose plurielle, غير عقل, tu vas ramener quoi? Un khabar, mufrad, mu'annath, ou sifa, qui sera quoi? Mufrad, mu'annath. T'as compris, Abdel Mesh? Bien ou? Non, il n'y a pas de mal. Non, c'est bon. C'est vrai? Mohamed? Non. Kamel, t'as compris là? Non. Là, quand tu dis Hadi ad-Duros, on veut, là, il nous faut une information. C'est sur quoi? Sur ce quoi? Sur Duros? Non. Tu le vois là? Non. De quel type ils sont ces Duros? Tu diras Sahlatun. T'as compris? Non. Pourquoi? Parce que Duros c'est pluriel et غير عقل. T'as bien compris? Maintenant, si Doros, tu lui enlèves Alif Wallam, tu vas les décrire. De quel type elles sont ces leçons? Sahlatun ou Mufidatun. Tout le monde a compris ça, Abdelkarim? Parce qu'Alif Wallam, ce sera une autre analyse grammaticale. Tu vois? Parce que pourquoi moi je vais enlever Alif Wallam? C'est que là, par exemple, quand tu dis Hadi Doros, Sahalatun, Al Badal, vous ne l'avez pas étudié. Je ne peux pas vous parler de ça. Tu vois? Même un Al Badal. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Badal, c'est quoi? Hadihi Ad Doros. Hadihi, c'est Ad Doros. Ad Doros, c'est Hadi. Taïb, Inch'Allah. C'est pour ça, moi, je ne veux pas vous parler d'une chose que vous n'avez pas étudié encore. Ce sera dans le 3. Alors, je vous ai donné un exemple plus simple. Comme quoi? Hadi Dorosun. Si je vous dis Hadi Dorosun, A'rib Hadi Al-Jumla. Ouais. Mubda. Mubtada. Ouais. Et Dorosun. Mais c'est mon exemple, pas ici. Parce qu'ici, il n'est pas Khabar. Il est avec Alif Wallam. On a dit que le Khabar, il était comment? Il est Nakira. Voilà. Hadihi Dorosun. Hadihi Mubtada. Taïb. Et Dorosun, il est quoi? Khabar. Et on a dit quoi? Le mot qui viendra après, il sera quoi? Sifa. Tu me suis là? Vous écoutez ce qui m'a posé la question là par rapport à pourquoi on a dit Alif Walam. T'as bien compris? Hadi Mubtada. Hadi, c'est Ma'rifa. Parce qu'il est Mubtada. Dorosun, il est quoi? Il est Khabar. T'as compris? Maintenant, moi, je veux quoi? Je veux décrire. C'est quoi? C'est Doros. Quel type de Doros qu'on a? On va lui ramener quoi? Un adjectif, un épithète. Ma'ana Sifa. Tu me suis, Daoud? Tu vas nous dire quoi? Sahlatun, Mufidatun. T'as compris? Normalement, on pouvait dire quoi? Jududun. Tu vois, quand c'était. Par exemple, tu dis. Hadihi tullah, haoulaï tullah, bon, on disait quoi? Jududun. On n'a pas dit jadidatun. T'as compris? Parce que toi, t'es en train de décrire quoi? Aql. T'as dit jududun. Mais là, comme c'est doros, c'est rir aql, c'est une chose qui ne résonne pas. T'as dit quoi, Daoud? T'as dit hadi dorosun et tu lui as ramené quoi? Un na'at. Un adjectif, t'as dit quoi? Mufidatun, sahlatun, jadidatun. Vous avez bien compris ça? Vas-y. On parle de. Non, je veux dire la sifa. Ben ouais, là on parle de sifa, on parle de l'adjectif. Voilà, je répète. Hadihi dorosun. Hadihi mubtada. Dorosun khabar. Parce que le mubtada il est ma'rifa et le khabar il est nakira. Moi je vais ramener une description. Ma'ana na'at, un adjectif, un épithète en plus dans cette phrase. Et je vais décrire quoi? Une chose qui est au pluriel et qui est quoi? Ghir aql, qui ne résonne pas. Alors je vais dire quoi? Je vais ramener un adjectif singulier féminin. Qui sera quoi? Hadi durusun mufidatun. Hadi durusun sahlatun. Hadi durusun jadidatun. Vous avez bien compris? Et si par exemple je ramenais un adjectif qui est quoi? Un pluriel aql, j'irai quoi? Haoulaï tullabun, j'irai quoi? Joudoudoun. T'as compris ça, Kamel, maintenant? Tout le monde a bien compris ça? Daoud, t'as bien compris là? Singulier féminin. Joudoudoun, c'est pas singulier, c'est masculin, c'est pluriel. Taïb, masculin. Non, il y a Wahbi. Là, c'est pour tous les pluriels masculins ou féminins, ou c'est que les pluriels masculins? Parce que là, on a dit hadihi, par exemple, duros. Hadihi. On aurait pu utiliser un mot féminin, pluriel féminin. Hadihi, le sa'atun. Eh non! Mais moi, pareil. Je vous ai ramené, grâce à Allah, quelque chose de mieux par rapport à quoi? Je vous ai ramené la racine du mot, elle est masculine. Elle est quoi? Masculin. Féminin, après le reste, c'est quoi? C'est facile. C'est comme si c'était la base. Non, quand féminin. Je te dis hadi sa'atun jamilatun, toi, tu aurais pu comprendre quoi? Que la règle, elle est basée que sur le féminin. Ouais. C'est vrai ou non? Ouais. Vous auriez pu penser ça. Ouais. Mais moi, je vous ai ramené un mot qui est quoi? À l'inverse du féminin, qui est quoi? Le masculin. Ouais. C'est pour ça que je vous dis quoi? Hadi quoi? Dorosun. Parce qu'on a dit quoi? Dorosun, c'est quoi la base? C'est mudakkar. Tu dis darsun. Vous avez compris? Ouais. Ça veut dire si tu appliques hadi, regardez bien. Si on applique hadihi avec à la base avec un mot qui est quoi? Singulier masculin. Comme on dit mimbab aula, si c'est féminin, singulier. Vous avez compris ça? Compris? Oui ou qu'est-ce que t'as compris? Bien. C'est compris la Kamel? Bien. Inch'Allah, qu'Allah facilite à tout le monde. Vous avez compris la question du frère Wahbi? Hein? Taïb. On va lire, Inch'Allah. حول المبتدا في كل من الجمل الأتية إلى الجمع. طيب. مثال. حول. ما معنى حول كمان؟ Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed, là, ça fait trois. T'as une kunya? Là, une kunya. Abu, t'as Mohamed. C'est quoi Hawala? Le mot. Ouais, on a pas ça. Andek Abdel Hakim. Là. Andek Abdel Hakim. Hakim, il faut. Andek. Changer. T'as حول المبتدا في كل من الجمل الاتية الى الجمع. طيب تدمون دو شانجي لو مبتدا دون توت لي فراز سوفونت او بلوريال. مثال الباب مفتوح. الباب مبتدا. طيب مفتوح خبر. اي تو دوموند دو شانجي طيب او بلوريال. تو دوموند سوي لا كان ان نا مي سا سي جوست دي كيسيون كون ريلاسيون افيك لو طيب سي با ترو. C'est pas l'exercice. T'as vu? Tout le monde dit, Inch'Allah? Mithal, al-babu maftouhun. Il te demande de changer le mubtada au pluriel. On dira quoi? Al-abouab. Tout le monde dit? Et là, tu vas informer sur une chose quoi? A'aql ou ghir a'aql? Ghir a'aql. On va dire quoi? Maftouhatun. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? On n'a pas dit quoi? Maftouhatun. Hada. Lui, tu pourrais dire ça. Maftouhatun. Akin. Il veut que tu répondes comme ça. Maftouhatun. Tout le monde a compris ça? Si on aurait mis hadihi avant, on aurait dit quoi? Hadihi abwabun. Hadihi, ça aurait été quoi? Mubtada. Abwabun, ça aurait été quoi? Khabar. Et on lui ramènera quoi? Un art, c'est-à-dire un adjectif. On dira quoi? Maftouhatun. Ou jamilatun. Ou maksouratun. Tout le monde a compris là? Ouais, Ayman. Bien, bien, ou c'est vrai, hein? Abdelkarim, toi, Daoud, t'as bien compris la différence entre si le mot d'après a dit l'alif ou l'alim et tout ça? Abdelhakim, tout le monde a compris, Inch'Allah? Abdelrahman, non. J'ai pas envie de perturber toi, mais tout à l'heure, t'as dit à un frère, hadihi abwabun, c'était par rapport au Tullab, hadihi Tullabun. Non, c'est pas ça. C'est par rapport à l'exemple, j'ai oublié l'exemple. Ouais, mais donne un bon exemple. Parce qu'après, là, c'est. Non, mais c'est... Voilà. Écoutez, les frères, écoutez. La qaïda que je veux parler, en fait, c'est si le khabar, il est marouf. Par exemple, là, dans l'exemple, c'est. Hadihil abouabou. Ouais. Non, il n'a pas dit à l'abouabou, là, regarde bien. Là. Il n'a pas dit à l'abouabou. Il a dit directement el abouabou. Non, mais si par exemple on dit là, si on prend, si on dit hadihi el abouab, voilà. Si on fait l'analyse grammaticale, ce sera hadihi mubtada et el abouabou. El abouab badal. Et je vous ai dit, ça on n'en parle pas parce que ce sera dans le 3. D'accord, voilà. T'étais pas avec nous tout à l'heure. J'étais là parce que j'étais sur mon truc. Allah ibarik fik. Ah, je l'ai dit ça, non? Ah, j'ai dit hadihi mubtada el abouab yakoun badal wa maftouhatun khabar. Taïb, Inch'Allah, c'est comme si tu dis. Inch'Allah, vous le verrez dans 3. Celui qui veut regarder, celui qui a le 3 à la maison, il regarde. Bab al-Badal. Taïb, Inch'Allah. Vas-y, au suivant alors. Akbar, Abdullah. C'est à toi. Non, on n'a pas commencé encore. Allah, il va écrire, regarde. Vas-y, alaykoum salam. A voix haute, pour que tu en profites. Hada qalamun jadidun. Tu es au pluriel, tu diras. Hazi aqlamun. Hadihi. هذه أقلام جديدة. هذه أقلام جديدة. إن شاء الله كل من داكم خير. طيب وسبا. هذه النجوم جميلة. هذه النجوم جميلة. وسبا. تلك كتب قديمة. خير بيان. تلك كتب قديمة. وسبا. أبوات لفخار. pour tout le monde profite. تلك النجوم نعم تلك البيوت جميلة نسبة هذه الدروس سهلة تلك أنا سيدوت كوني سام لا فيش مو Il est appris en plus à la fin du cours, Inch'Allah, on fait la dictée bénilla. Moi, c'est pour vous que je fais ça, les frères. Si vous voulez pas le faire, je vous le fais pas. Tu vois. Mais c'est dommage quand même, tu vois. Je vous donne du temps, soyez sérieux. Après, il faudra pas dire, par exemple, moi j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3. On parle pas assez l'arabe, tu vois. Certains frères, ils reprochent les livres de Médine, alors qu'ils s'oublient. Là. Tu vois, ça c'est très important. Ça. Celui qui veut parler l'arabe, il faut apprendre du vocabulaire. Et je pense que ça, c'est une règle dans toutes les langues. Tu vois. Nos parents, ils ont des années en français, ouais, non ? Certains, ils ont un demi-siècle. Ils parlent pas bien le français, pourquoi ? Car ils apprennent pas le vocabulaire français. Je vous donne juste un exemple, c'est pour que vous compreniez. C'est pas le fait d'être dans un endroit, là. Mais celui qui apprend, il fait la grammaire et il apprend le vocabulaire. Thumma yutabbaq, c'est-à-dire il applique. Tu verras, bidnillah, en un an et demi, il va commencer à parler, bidnillah. Certains, moi même. Mais le fait juste d'assister au cours, et vous apprenez pas les mots, ce sera pas évident. Moi, je dis pas ça pour vous deux, car je Wallah, je vous souhaite qu'Allah vous ouvre les portes. Tu vois, mais faites cet effort-là. Tu vois. Aya Abdel Hakim, déjà le mot en lui-même, c'est quoi ? C'est vrai ? Taïb, Andekaka, Mohamed ? Jabaloun. Taïb, vas-y à toi, Abdel Hakim. C'est quoi le pluriel de Jabal ? Jibaloun. Alors tu diras, Tilkal Jibalou, Baïdatou, Barakallahu Fik. Au suivant. Hadi al-Makatibou. Maksouratoun, très bien. C'est rien, peut-être tu connais pas le pluriel. Masajid. La masajid. Pourquoi masajidi ? Si on te demande pourquoi tu as mis une kasra. Non, par exemple, quand tu as mis une kasra ? Hafjar. Et également. Tu connais que ça pense. Après, tu verras le reste alors. Taïb. Hadi masajidou. Jamilatoun. Au suivant. Il faut changer, hein, parce que là, il faut mettre au pluriel. Sa'atu, non ? Tu laisses comme ça, Hadi ? Très bien, mashallah. Pourquoi ? Le mot en lui-même, il est féminin. D'accord, t'as compris, Abdelmajid. Vous avez compris, là ? Déjà, le mot de base, il est au féminin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, comme tout à l'heure, Hada. Barakallahu fik. Hadihi. Sa'atun. Rahisatun. C'est quoi la différence entre sa'atun et sa'atu? Ouais, ça veut dire quoi l'iflam? Il est ma'rifa. Voilà. Et sa'atun, il est nakira. Ça veut dire, il est quoi? Indéfini. Voilà. Tu veux savoir que ça veut dire rahisatun? Pas cher. Adi sa'atu, rahisatun, ça veut dire elle est pas chère. Barakallahu fik. Eh, na'am. Sa'atun. Sa'atun, sa'atun. Au suivant. Tilka ta'ira, fa'iratu. Non, très bien, c'est bien. Tilka ta'iratu, kabiratun. Au suivant. Non, mais il faut changer. Si on fait hein, comme tout à l'heure, hadihi, tout ça, non? Pourquoi tu ne mets pas hadi? Parce que c'est aqil. Très bien, mashallah. Hein, ici, je ne sais pas s'il a voulu faire un piège, mais comme c'est aqil, ha'ulai, tullabun, après tu diras quoi? Jadidatun, non? Jududun, taïm, hada, taïm, jududun. Suivant. Ulaika rijalu, ulama'un كبير كبار كبار نعم أولئك الرجال علماء كبار نعم وسبا هذه الأنهار كبيرة نعم très bien tout le monde a compris inshallah طيب grand 3 ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبار مناسب طيب ما معنى ضع يا عبد الكريم mettre hein ici c'est quoi l'impératif le verbe en lui-même c'est quoi Daoud le verbe en lui-même. Ça n'existe pas un verbe comme ça, à deux mots. Va. Dans la langue arabe, il n'y a pas de comme ça. C'est quoi le verbe? C'est pas Wada. Non, c'est pas Wada. Barakallahu fik. Taïb. Il te demande de quoi? De mettre des khabar qui lui convient. On s'est arrêté où? C'est toi? Vas-y, c'est pas de bon. Alors tu diras le beytou. Al-Baytu Kabirun. Attention les frères, je veux que vous prononcez bien. Parce que si tu me dis Al-Baytu Kabirun, là, Al-Baytu Kabirun. Khabar, il est Nakira. Allez, au suivant. La 2. Al-Nujumu. Laoud. Vas-y. Al-Nujumu. Al-Nujumu Jamilatun. Très bien. Au suivant. Al-Babu Maksurun. Au suivant. Al-Qalamu. Jadi. Al-Qalamu Jadi. Jadidun. Al-Qalamu Jadidun. Très bien. Al-Buyutu Kabiratun. Al-Buyutu Kabiratun. Naam. Bad. Al-Abwabu Maftouhatun. Ahsant. Al-Abwabu Maftouhatun. Bad. Siyaratun. Siyaratu. Non, regarde bien. Appuie un peu sur le ya et après tu pousses là. Siyaratu. Très bien. Très bien, Mashallah. Suivant. Bad. Al-Minjilu. Wasikhun. Wasikhun, Mashallah. الفنادق مفتوحة إن شاء الله ما معنى فنادق؟ مغازا بوتيك بوتيك وكون أكور؟ فندق فندق سيدي 3 شوز لا سي مغازا بوتيك لا بوتيك بوتيك سيدي تشوزي؟ لا بوتيك سي بون سيدي؟ كوميرس نعم مدام محمد فنادق دي بوتيك الفخا محمد فنادق Comment non ? Ça veut dire quoi ? Ah non, c'est Fondour, Fanadir, hein ? Et ça veut dire quoi, Fondour ? Boutique. Taïb. Avec toi, frère. Et toi ? Hôtel. Avec Allah, Oufik. Taïb ? Allah, Allah. Non, non, c'est rien. Taïb, au suivant. At-Tullabu. At-Tullabu, Joudoudoun. Bad. Jamilatou. Al-Khumsanou, Jamilatou. Taïb. Tout le monde a compris. Comme ça, c'est le pluriel de Khamis. Taïb. Arabi, le grand 4. Hati, Jam, al-Kalimat, al-Atir. Taïb, il te demande de ramener les pluriels des mots suivants. Baboun, on dira. Abouaboun. Beytoun. Chacun son tour. Najmoun. Naam. Qalamoun. Naam. Himaroun. Himaroun. Sariroun. Sururoun. Naam. Nahroun. نهار سيارة سيارات سيارات نعم كلب كلاب كلاب طيب طائرة طائرات درس بسم الله الرحمن دروس بحر شو بحار نعم كتاب كتب كتب قميص قمصان دراجة دراجات حقل حقل حقل شان جبل جبال جبال طيب très bien les frères الكلمات الجديدة الشركة جمع شركات entreprise usine طيب مدير الشركة سيدي خوا ديريكتور دو لانتربريز دو لوزين رخيصون سيدي كاي شوز كي ني با شير كي ني با كوتو القميص جامع قمصان ها لا باز نو سي القميص سي لو مو سي لابي كومبورت مي لو تراديس بتيت غراند شيميز طيب السلام ورحمه الله وبركاته الى هنا ان شاء الله كمان حقل Non. Je vois que vous n'avez pas ramené de cahier. Vous avez tous un cahier ? Éteins.